chance. Donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les torts. Ne me dis pas que c'est trop tard, que tu n'as plus pour moi un seul regard. Donne-moi ma chance. Tu parais la plus.